des souliers bien trop grands pour la saison, des cheveux bien trop longs pour la région, une chemise dans les trous rêve de me suivre un peu partout, de me suivre un peu partout. Sur la piste des savanes, je suis le caravanier d'un grand voyage organisé. Sur la piste des savanes, je suis le caravanier d'un grand voyage organisé. Du rimmel doux qui fond pour l'émotion, des cheveux bien trop blonds à discrétion, une pâleur inondant tout malgré le soleil rouge et fou. Oh, le soleil sombre et fou. Sur la piste des savanes, je suis le préméditer.